Colette par André Theuriet. Chapitre 1er. Dans l'air déjà plus frais de la matinée de septembre, les cloches sonnèrent en mort à l'église Saint-Antoine, la principale paroisse de Juvigny-en-Barrois. En même temps, un très modeste corbillard, qui stationnait devant une petite maison située à l'extrémité de la rue des Tanneurs, se mit lentement en marche, emportant sous un drap blanc le cercueil de Mademoiselle Charmette Courouvre, décédée subitement, ainsi que l'annonçait la lettre de part, en sa 80e année. Bien que la défunte fût une ancienne habitante du quartier et fît partie de la vieille bourgeoisie du pays, une trentaine de personnes à peine suivaient le deuil. Encore remarquait-on que la bonne compagnie s'était abstenue et que la plupart des assistants notés pour leurs opinions avancées appartenaient au parti radical. En 1874, on était fort conservateur à Juvigny, et même devant cette tombe ouverte, la société bien-pensante ne pardonnait pas à Charmette Courouvre sa parenté directe avec un ancien conventionnel enragé jacobin qui avait voté la mort du roi. Ici, quelques détails rétrospectifs deviennent nécessaires pour expliquer cette rancune persistante et servir de préface au récit. En 1792, Edme Clément Courouvre, âgé de 36 ans, fut envoyé à la Convention par ses concitoyens du département de la Meuse. Esprit souple, âme ambitieuse, despotique et travaillé du désir de parvenir, Courouvre fut successivement l'ami de Danton, de Robespierre et du général Bonaparte. Il avait épousé, en 1793, une jeune parente du menuisier Duplay, et sa première fille, née en 1794, était précisément cette Charmette, dont le convoi en ce moment se dirigeait vers l'église Saint-Antoine. Après l'incarcération de Louis XVI au Temple, Edme Courouvre fut chargé d'inventorier le mobilier des Tuileries, et quand survint la réaction thermidorienne, ses adversaires l'accusèrent de s'être approprié certains papiers provenant de l'armoire de fer, ainsi que des objets précieux ayant appartenu à Marie-Antoinette. Il avait été assez habile pour se disculper, et ses électeurs lui continuèrent leur confiance, puisqu'il fut plus tard membre du Conseil des Anciens. Mais le coup d'État de Brumaire ouvrit pour lui une ère de déboires politiques. On recommença à parler des détournements commis aux gardes-meubles, et il jugea prudent de quitter Paris pour la province. Il alla s'installer dans un village de l'arrondissement de Verdun, au Chanois, où il s'était, sous le directoire, rendu acquéreur du château de Chèvrechêne. Là, pendant tout l'Empire, il vécut tranquillement et grassement avec sa femme, qui lui avait donné en 1802 une seconde fille, Zélie Cornélie. En 1810, il devint père de nouveau, et cette fois d'un garçon qu'on nomma Arsène. Cet héritier du nom était encore en robe quand la sécurité de l'ex-conventionnel fut brusquement troublée par la chute de Napoléon. En 1815, après la rentrée des Bourbons, Edme Courouvre vit crever sur lui l'orage qui grondait déjà depuis un an. Régicide et accusé de vol aux Tuileries, il comprit que les jours heureux étaient finis. Prévenu à temps néanmoins, il eut le loisir de mettre à l'abri des recherches des valeurs importantes en or et en pierres précieuses. Lorsqu'après avoir cerné le village, les gendarmes un matin perquisitionnèrent à Chèvrechêne, Edme Courouvre avait décampé et gagné nuitamment la Belgique. Il se réfugia à Namur où son aîné Charmette vint le rejoindre après avoir confié Cornélie et Arsène à des amis. Ainsi qu'une pieuse Antigone, elle s'efforçait d'adoucir les tristesses de l'expatriation à son père, qu'elle adorait, mais sa piété filiale fut impuissante à arrêter les progrès d'une maladie de cœur, aggravée par les angoisses de la fuite et les privations de l'exil. Edme Courouvre s'éteignit à Namur en 1816, et après avoir fermé les yeux du père, Charmette accourut à Chèvrechêne. Les immeubles du conventionnel avaient été mis sous séquestre. La jeune fille, ayant eu fort à faire pour assembler quelques bribes de la fortune personnelle, vécut obscurément et pauvrement au Chanois, avec sa sœur et son frère. Bien qu'elle fût alors dans le plein épanouissement de sa jeunesse, elle avait résolu de ne point se marier pour se consacrer entièrement à l'éducation de Cornélie et d'Arsène. Elle les élevait dans la vénération du conventionnel, dont elle voilait dévotement les faiblesses et les tares, et dont elle exaltait les vertus civiques. Elle cherchait à inculquer aux deux enfants sa fervente admiration pour le père, qu'elle regardait comme un des sauveurs de la France envahie et comme un des martyrs de la foi républicaine. Ce fut un gros crève-cœur pour elle lorsqu'en 1820, Cornélie, lasse du célibat, épousa un gentilhomme verrier de l'Argonne, M. David de la Louvière, fils d'émigré et fervent royaliste. Charmette, qui se glorifiait de sa filiation révolutionnaire aussi fièrement qu'une aristocrate, du sang bleu coulant dans ses veines, ne supporta pas cette mésalliance de sa cadette. Elle se fâcha tout rouge et rompit toute relation avec la renégate. Amèrement déçue, elle reporta sa tendresse sur son jeune frère Arsène. Ce dernier, après lui avoir longtemps tenu compagnie, se maria à son tour à 40 ans avec la fille d'un garde général des forêts. Mais du moins, il ne laissa pas tomber en quenouille le nom de Courouvre et eut deux garçons à 2 ans de distance, Edme et Clément, nés l'un en 1855 et le second en 1857. Ces deux naissances arrivant coup sur coup abrégèrent la vie de la mère qui mourut des suites de sa deuxième couche. Arsène ne survécut pas longtemps à sa femme. Il fut emporté par une bronchite en 1865. Ce triste événement réveilla plus vif les instincts de maternité innés chez Charmette. Elle prit avec elle les deux orphelins et vint s'établir à Juvigny, où il y avait un collège et où elle pouvait, sans trop de dépenses, leur faire donner une instruction solide. Elle voulait que ses pupilles devinssent dignes de son idole, l'ancien conventionnel. Encore qu'elle ne possédât pour toute fortune qu'une rente de 3 000 francs, Charmette n'épargna rien pour atteindre son but. Elle surveillait assidûment les études de ses garçons. Assez instruite elle-même, elle assistait régulièrement à la préparation des leçons et des devoirs. À force d'économies et grâce à la collaboration de sa dévouée servante Monique, elle trouvait le moyen d'équilibrer son budget, sans que l'éducation et le bien-être des enfants souffrissent de la modicité de ses revenus. Hiver comme été, levée avant le jour, elle ne restait pas une minute inoccupée, cuisinant, songeant, raccommodant. Par tous les temps, elle conduisait ses pupilles au collège et il les en ramenait. Cette activité et cette sollicitude étonnaient les bourgeoises du quartier. Bien qu'elle fût choquée des allures indépendantes, des doctrines sectaires et du verbe tranchant de la fille du régicide, elle ne pouvait s'empêcher de s'attendrir en voyant matin et soir passer entre les deux écoliers cette grande femme maigre, à la mine hautaine, à la toilette noire, soignée et proprette. Au bandeau de cheveux blancs, légèrement poudrés, encadrant un visage austère, dont les lignes se maintenaient fermes et pures. Le dévouement de Charmette ne fut pas prodigué en vain. Les enfants faisaient des progrès rapides et, chaque année, leur succès scolaire exaltait l'âme fière de la vieille fille. Plus elle s'en vieillissait et plus elle redoublait d'ardeur pour étendre l'esprit, pour tremper le cœur de ses pupilles. Elle ne leur cachait pas les difficultés matérielles qu'ils auraient à vaincre et s'effrayait de partir avant de les avoir suffisamment armés en vue de la lutte pour la vie. Elle les entretenait sans cesse de l'existence tourmentée de leur aïeul, son héros. Parfois aussi, elle faisait, en style d'oracle, allusion à certaines éventualités mystérieuses qui se produiraient un jour et pourraient, dans la suite, influer heureusement sur leur fortune à venir. Elle ajoutait en secouant la tête, « Le temps n'est pas encore venu de vous révéler un secret que j'enferme en moi depuis tantôt 60 années. Quand je ne serai plus, vous trouverez dans mon testament les éclaircissements nécessaires et aussi les conseils sur la conduite à tenir lorsque je vous aurai laissé seul au monde. » En 1874, elle eut la satisfaction de voir Edme passer son baccalauréat et sciences, tandis que Clément achevait brillamment sa rhétorique. Elle avait joui jusque-là d'une santé de fer, mais pendant qu'elle s'enorgueillissait des succès de ses élèves et se félicitait de leur avoir forgé des âmes viriles, elle fut un soir terrassée par une attaque d'apoplexie séreuse et mourut le lendemain dans le coma, sans avoir pu adresser un suprême adieu aux enfants. Telle avait été cette fille au grand cœur, cette Charmette Courouvre, dont par un matin de septembre, on conduisait la dépouille mortelle à l'église Saint-Antoine. La messe fut courte, au tintement des cloches dans l'air matinal. Le cortège, déjà plus clairsemé, se dirigea vers le cimetière Sainte-Marguerite. Derrière le corbillard marchait la fidèle Monique, qui servait depuis 20 ans la défunte et l'avait vaillamment aidée dans sa tâche d'éducatrice. Vêtue d'alépines noires, les yeux rougis, et obstinément fixée sur le cercueil de Charmette, elle avait gardé son bonnet lorrain, dont le tulle tuyauté frissonnait chaque fois qu'un sanglot trop violent secouait le chef ridé de la pleureuse. Après elle, venaient les fils d'Arsène Courouvre. En grand deuil, tête nue, ils étaient tous deux très émus. Leur douleur se manifestait diversement. Edme, l'aîné, les yeux bruns renfoncés dans l'orbite, les épaules déjà un peu voûtées, le front carré, s'avançait pâle, très grave, faisant effort pour dissimuler son chagrin. Clément, plus jeune d'une année, joli garçon à la physionomie expansive, aux cheveux châtains bouclés, ne cherchait pas à se contraindre. De grosses larmes roulaient au bord de ses yeux bleus, ses narines se dilataient, ses lèvres s'entr'ouvraient pour livrer passage aux sanglots qui se nouaient dans sa gorge. Quand le convoi eut gravi la rampe du cimetière et que la bière eut été descendue au fond de la fosse, Monique se déroba afin de regagner au plus vite la maison mortuaire, tandis que les deux orphelins, debout sous un abri en auvent, recevaient les condoléances et les poignées de main banales des invités, pour la plupart indifférents. Une fois le défilé terminé, une voiture les ramena au logis de la rue des Tanneurs. Monique, rentrée en hâte, avait déjà fait disparaître les derniers vestiges de la cérémonie funèbre et s'était affairée à préparer le repas de ses jeunes maîtres dans la salle dont les fenêtres ouvraient sur un humide jardinet. À l'aspect de la nappe blanche, où deux couverts figuraient seuls au lieu de trois, le cœur des adolescents se gonfla et leurs yeux s'humectèrent. Ils s'assirent machinalement, tout étonnés du silence qui tombait autour d'eux dans cette pièce d'où Charmette était pour jamais absente. Les morceaux s'arrêtaient dans leur gosier contracté et ils ne faisaient guère honneur au déjeuner. Monique se désolait de remporter les plats presque intacts. Elle regardait ses deux garçons mâcher péniblement quelques bouchées. Quand elle vit qu'ils ne touchaient pas même au dessert, elle s'écria familièrement « Eh bien, mes pauvres mignons, ça ne va donc pas. Il faudrait pourtant vous raisonner et vous forcer à prendre un peu de nourriture. « Non, Monique, c'est peine inutile, ça ne veut point passer, » répondit Edme en jetant sa serviette sur la nappe et en allant s'accouder à l'appui de la fenêtre. « Je comprends que vous ayez du chagrin, » répliqua doucement la servante. « Moi-même, je ne puis m'accoutumer à l'idée que nous ne reverrons plus la chère demoiselle. Mais tout en pleurant les morts, ceux qui restent ne doivent pas moins songer à se tirer d'affaire dans la vie. Vous voilà seul au monde, avec votre vieille Monique, qui ne vous abandonnera certes pas. Mais je ne puis suffire à tout. » Il faut savoir comment vous allez vous retourner. Hier, quand la dépouille de votre brave tante était encore près de nous, je n'ai pas voulu vous parler de ces choses-là, mais aujourd'hui, il est temps de se préoccuper du lendemain. Mlle Charmette n'avait pour subsister que sa rente de 3 000 francs, et d'après ce que je sais, cette rente doit s'éteindre à la majorité de Clément. « Ne te tourmente pas, Monique, » déclara Edme. « Nous avons ici là 3 ans devant nous. À cette époque, j'aurai sûrement trouvé une position qui nous permettra de vivre honnêtement, Clément, toi et moi. » « Tout cela est bel et bon, » repartit la vieille bonne, « mais à mon avis, il est sage d'abord de voir clair de votre situation et de connaître dans quelles conditions vous héritez. » Mlle Charmette parlait toujours d'un testament qui contiendrait ses dernières recommandations et qui vous réserverait des surprises. « Il convient de vous assurer si ce testament existe. Je vous conseille donc de prendre sur vous et d'entrer bravement dans la chambre de la pauvre défunte où vous vous résoudrez à fouiller les tiroirs du petit chiffonnier. » dans lequel votre tante serrait ses papiers et son argent. Tenez, voici les clés que j'avais gardées par précaution avant de partir pour l'église. Elles sont à vous maintenant. Montez donc là-haut et occupez-vous de vos affaires pendant que je vais ranger ma vaisselle. Tu as raison, ma bonne, approuva l'aînée en glissant les clés dans sa poche. Allons, Clément, un peu de courage et accompagne-moi là-haut. Tous deux gravirent lentement l'escalier et pénétrèrent sur la pointe des pieds avec un religieux émoi dans la chambre de la tante. La pièce, tapissé d'un papier où des dessins en grisaille représentaient des scènes de la Révolution, exhalait encore une odeur d'acide phénique, bien que Monique eût ouvert toute grande les croisées. Des fauteuils et des chaises de paille, une table en marqueterie, un lit en bois blanc laqué, la meublaient sobrement. À gauche du lit se dressait le chiffonnier de palissandre. Les deux garçons s'en approchèrent. Edme trouva la clé de cuivre et ouvrit successivement 2 tiroirs qui ne contenaient que du linge et des objets de toilette. En entrebâillant le troisième, il poussa une faible exclamation. Il venait d'apercevoir une liasse enclose dans une chemise de papier bulle. La première pièce qu'il en exhuma était une enveloppe oblongue sur laquelle Charmette avait écrit « Mon testament ». Ils la contemplaient tous deux sans oser y toucher et demeuraient silencieux. Par les fenêtres, à travers les buées d'or du soleil déjà plus oblique, on distinguait le profil des maisons et des clochers de Juvignaux, tandis qu'au dehors, on entendait le bruit sonore du maillet des tonneliers enoubant les futailles en vue de la vendange prochaine. « Voici, » murmura Edme, « les dernières volontés de la tante. « C'est à toi d'en prendre connaissance, » observa Clément. « Tu es l'aîné. » Il avait extrait de l'enveloppe une feuille de papier ministre qu'il tendit à son frère. L'aîné découvrit, déplia la feuille et commença la lecture d'une voix un peu étranglée.